J'ai pas choisi de vivre ici parmi les fils d'Adolf Hitler ou de Madame Lambert. Je n'ai choisi de naître ici dans un pays où la violence est une fonction croissante. Oppression, obligation, agression, externalisation, maison, avion, bâton, camion, bœuf, mironton. Nationalisation, maison, avion, bâton, camion, bœuf, mironton.